drôle de fumée. Oh, depuis dehors, qui m'a dessiné. Oh, ton corps, un drôle d'alcool marque sur ma peau. Ton prénom comme au couteau. Dans mon musical, toutes les nuits, la star c'est toi. J'ai marché jusqu'au bout de ma vie. I know.